Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le bonheur que lui seul peut donner. Battu d'autres sentiers, j'ai connu quelques joies, mais j'ai souvent pleuré. Cherchais le bonheur sans pouvoir le trouver, et je trompais mon cœur en pensant lui apporter le bonheur que lui seul peut donner. Mais Jésus m'avait vu et me donna ce que nul homme me donna, de la paix, de la joie, son amour. Une place au ciel, oui, le salut éternel, de la paix, de la joie, son amour pour toujours. Confie-toi en Jésus, tu en auras du pareil. Avec amour, avec cœur, m'apprenant à faire le bien, à y mettre mon cœur. Mais un jour, mes yeux ne pouvaient plus retenir les larmes de mon cœur qui voulait à tout prix ce bonheur que